et la grenouille est cramée. Réveillez-vous, réveillez-vous, nous c'est la France qui fait des bulles, et c'est Sarko qui nous encule. Mais c'est à nous d'éteindre le feu, à nous Français, nous révolter. Petit message à Sarkozy. Ah, c'est trop tard. La vie c'est bleu, la vie c'est bleu, la vie c'est bleu, la vie c'est bleu, la vie c'est bleu. La discipline, on n'en veut pas.